Ici Maxime Tremblay de l'Épée légendaire. Oubliez le monde réel et montez le volume, car vous entrez dans la réalité augmentée. That's one small step for man. Réalité augmentée, les technos à un autre niveau. Shut up and take my money! Bonjour tout le monde, bienvenue dans la réalité augmentée de la techno à un autre niveau. Jean-Benoît Gagné avec vous et je suis accompagné de mes deux comparses. Luc Desormeaux, salut! Salut JB! Et Daniel Carosella, salut Daniel! Hey Mr. JB! Mr. JB! Oh yeah! La semaine passée, on t'accueillait, ton retour, là, on est comme plus habitué, j'ai moins d'émotions, là. Ah ben, je te comprends, c'est souvent l'effet que je fais, c'est assez éphémère. On s'habitue! Cette semaine, avant qu'on commence avec les différentes chroniques qu'on fait, comme à chaque semaine, on a chacun notre sujet, commencer à connaître la formule, j'avais une couple de plots que je voulais faire. Je voulais saluer les gens qui nous supportent. On poursuit notre aventure de l'autre côté de l'océan. On a appris aujourd'hui que podradio.fr va diffuser notre podcast sur leur site. C'est un genre de radio web, mais juste avec des podcasts. Quand il n'y a pas d'émission, ils remplissent ça avec de la musique, puis sinon, le reste de la programmation, ils ont trois chaînes, c'est toutes des podcasts. Ils ont décidé, autrement dit, de faire l'inverse des stations de radio habituelles qui mettent leur émission de la grille horaire normale sur le web en podcast. Eux, ils ont fait comme, bon, on va prendre des émissions web, puis on va les mettre en onde dans une radio. Donc, c'est un projet de l'autre côté de l'Atlantique. C'est notre deuxième pied à terre en Europe, après podcastfrance.fr qui aussi nous héberge d'une certaine façon, qui nous link sur leur site web. Aussi, bien entendu, au Québec, affairesdegas.com et la zone technoculturelle.ca. Donc, ce sont tous des endroits où est-ce que vous pouvez nous retrouver, que vous pouvez nous écouter. On n'a pas délaissé l'un pour l'autre. Faut pas penser ça. Quand on a ajouté la zone technoculturelle, on a eu quelques questionnements. Il y a des gens qui, tu sais, il y avait des habitudes d'écoute, allaient sur affairesdegas.com pour aller chercher l'émission à chaque semaine. Puis là, ils se demandaient, on va-tu être encore là? Oui, on continue. On fait juste prendre de l'expansion. On veut engorger le web avec notre programme. Puis à un moment donné, ça, on va devenir populaire là, à force des choses. À force d'essayer fort. À force de forcer, tu sais. À force de mettre ça partout, à un moment donné, il y a du monde qui va écouter. À un moment donné. À force de tabasser puis de menacer des gens. La torture, man. Ça fonctionne tout le temps. C'est écœurant. Autre point que je voulais avancer, on a bien entendu notre concours Skylanders Swap Force qui se poursuit. On fait le tirage dans le prochain épisode. On a une figurine à faire gagner et je vais le donner là le nom, okay, de la figurine, mais c'est le concours, c'est de nous le mentionner dans votre réponse sur notre adresse courriel. Le nom de la figurine, c'est Out Loop. Donc, si vous voulez gagner, ça vous prend cette réponse-là. Vous l'incluez dans un courriel que vous nous envoyez à podcastrealitéaugmentée@gmail.com. Et c'est aussi simple que ça. On a déjà quelques participants. Un gros merci à François Tadei qui est passé sur l'émission la semaine passée pour nous parler du lancement justement de cette franchise, de ce nouveau jeu dans lequel la gang de Binox à Québec ont participé. Alors, cette figurine, on l'a fait tirer la semaine prochaine dans l'épisode 42, l'élément 42 de la réalité augmentée. Alors, dépêchez-vous de participer. Il y a une couple de personnes qui m'ont dit, par courriel, qui m'ont dit, hey, une chance que tu le mets sur les sites internet pour avoir la réponse parce qu'ils ont du retard à l'écoute, mais qui suivent quand même. Ils rajoutent ça dans leur fil de podcast et qui n'auraient pas pu participer parce que la période de temps était quand même serrée. Donc, sachez que oui, le concours, on l'indique aussi sur les sites internet sur lesquels on est hébergé. Donc, vous avez façon aussi de pouvoir participer, même si vous n'avez pas écouté l'émission encore. On est fin de même. Mais vous êtes mieux de l'écouter, par exemple. Ben oui, c'est toujours mieux. Donc voilà pour les petites parenthèses que j'avais à faire avant le début de l'émission. Et on va... oui? J'en aurais une, juste deux secondes. Vas-y. On parlait d'Extra Life la semaine passée avec François Tadei, mais il y a quelqu'un aussi sur un de mes followers de longue date sur Twitter qui est Jean-François Chabot, qui lui aussi participe à Extra Life. Fait que si ça vous tente de l'encourager, il est à 930$ sur 1200$ qui sont au but. Allez sur le site d'Extra Life, puis son nom, c'est les Bionic Marmottes. Donc, on adore. Si vous voulez aller l'aider, donner un petit 5$ là, puis à chaque tranche de 5$ vous allez donner. Il a fait un peu ce que j'avais fait pour dans le temps de mon tirage pour Doucex. À chaque tranche de 5$ vous avez un billet pour une participation, puis il y a des prix à faire tirer là, comme un mois de PlayStation, des jeux, des choses comme ça, données par d'autres collègues podcasteurs. Donc, si ça vous tente d'aller aider Jean-François dans son but de ramasser 1200$, ben cherchez Bionic Marmottes. On adore, c'est vraiment très très cool. Le logo est beau aussi. Daniel, toi, t'as-tu un petit cue à lancer aussi? Non. Non, ça va? Écoute, OK. Non, c'est bien beau. Moi, cette semaine, je fais un peu plus morne, je pense. Oh! Écoute, l'excitation du retour est passée. Comme toi, tes émotions sont passées. Toi aussi, ça retombe, hein? Ben, c'est un peu éphémère, tu sais, comme je disais, mais... Non, écoute, je pourrais remercier la gang d'Ubisoft parce que j'ai eu des très beaux envois cette semaine là, qui sont venus jusqu'à ma porte. Fait que merci à peu près tout. Ah, ben, c'est quand même ça. Écoute, Daniel, vu que t'as rien à dire, on va y aller avec toi. C'est question d'essayer de te rendre pertinent à ta participation dans l'émission. Je te remercie. Avec ton sujet. Mais je sais, je suis de même. Je déroule le tapis rouge, tu sais, puis je l'enlève pour te faire une jambette. c'est ça. T'as participé à un événement de Nintendo cette semaine et t'avais le goût de nous en parler. Ben écoute, c'est un événement, d'ailleurs Luc, on s'est encore manqué pour un événement. Ouais, ça a l'air que les cupcakes c'était bon, mais bon. Et ok, oui, ça c'était mon premier sujet de ma chronique. Tu vas donner la recette, non? Je sais pas, mais je peux vous donner des détails du mal de ventre que j'ai eu par exemple. Oh! Mais non, les cupcakes étaient super bons, c'est juste que t'avais une montagne de crémage dessus. Et j'ai eu la très bonne idée d'en manger une coupe de suite. Daniel, il faut le dire, t'sais, nous, quand on essayait de l'avoir sur l'émission, on se disait, il y a un gars compétent, il fait ça depuis des années, il est dans le domaine, il y a des contacts, ça va être payant. On l'a eu avec le bedon, on savait comment ça marchait. Nintendo aussi ont compris, des cupcakes, Daniel va être là. T'sais. Écoute, c'est tellement drôle parce que bon, l'événement auquel j'ai assisté, c'est un événement annuel. Donc Nintendo organise tout le temps, à chaque année, un événement de c'est à Montréal. Donc, en fait, ça a toujours été à Montréal, là, du plus loin que mes souvenirs remontent. Mais c'est l'événement annuel de Nintendo pour présenter ce qu'ils vont offrir d'ici le temps des fêtes. Et puis même un peu au-delà. Et à chaque année, il y a tout le temps un buffet. Et cette année, ça n'a pas fait exception. Sauf que cette année, ça s'est beaucoup concentré sur les desserts. Et l'année passée, je me rappelle, il y avait une immense bûche et personne n'en a mangé. Et Julie, la représentante de Nintendo, était un petit peu triste parce qu'elle s'est dit, tu sais, si les gens mangent pas, on les perd, là, ou tu sais, on sait pas quoi faire avec. Fait que cette année, je me suis dit, mon Dieu, je vais rendre service et... Je vais m'offrir, tu sais, pour la cause. Ben oui, écoute, je vais sacrifier mon ventre, et Dieu seul sait que je l'ai sacrifié, parce que il y avait des cupcakes, et c'est pas juste les cupcakes qu'il y avait, là, mais moi, je me suis vraiment pitché là-dedans, et c'était tout à l'effigie d'une figure de Nintendo. Par exemple, t'avais des cupcakes avec la casquette de Mario dessus, tu sais, c'était cute, c'était sympathique. C'est juste que la montagne de crémage qu'il y avait, tu sais, ils disent que ça prend à peu près 20 minutes là, pour que tu ressentes la satiété. En fait, là, tu sais, pour que ton cerveau enregistre que ton ventre a quelque chose. C'est pour ça qu'on dit, pour pas trop manger, de manger lentement, parce que le temps que les premières bouchées soient comptabilisées par ton cerveau, ça prend une certaine période de temps. Puis fait que si tu manges lentement, ben, tu as le temps de comprendre que tu as trop mangé à temps. Ben c'est ça, moi, m'a dire au bout de 40 minutes, mon ventre a comme fait « Oh, excuse-moi, trop de sucre dans le sang. » Fait que, j'étais pas énervé là après, là, tu sais, j'avais beaucoup de sucre dans le sang, j'étais pas énervé, j'étais juste « Oh, j'espère que j'ai du Pepto-Bismol à la maison. » Fait que, tu sais, ça a été ma mésaventure. Tout ça pour faire plaisir à Julie, t'as le cœur sur la main. Non, moi je fais toujours... qu'est-ce qu'on ferait pas pour une femme? Hein? Le cœur sur la main, mais l'estomac dans les talons. Ouais. Pas dans son cas, en tout cas. Ou à la toilette, mais ça, c'est d'autres choses. L'estomac sur le bord des lèvres, peut-être. Ouais, peut-être. Ou sur le bord de la bolle. Mais bref, ça, c'est pas important. Bon, on va revenir à l'événement en tant que tel. Donc, écoute, cette année, il y avait le Père Noël. Oui, Santa Claus était là. Santa Claus qui a fait pleurer quelques enfants aussi, d'ailleurs. Parce qu'il avait vraiment une grosse voix. Il faisait peur aux enfants. Fait que, mais il était super sympathique. Et il y avait la Princesse Peach. Donc, en fait, c'est une histoire... Enfin, des étoiles. Non, la vraie Princess Peach. Okay. Mais c'est un peu cocasse parce que, tu sais, j'ai demandé à Julie, bon, tu sais, c'est qui cette femme-là? Tu sais, c'est-tu quelqu'un qui s'est pointé à l'événement déguisé en Peach? Elle m'a dit non, elle dit c'est une femme qui était au Comic-Con de Montréal en septembre, je pense, que ça a eu lieu. Mais sans moi. Ouais, bon. Le copain de Julie, qui travaille aussi dans les jeux vidéo, l'a trouvé trop écœurante. Il a remis la carte de Julie et Julie l'a invité à l'événement. Donc, c'était cute, c'était un beau clin d'œil. Puis les enfants ont apprécié de voir comme la princesse. Là. Dans leur esprit, c'est une princesse. Là. Nous, on sait que c'est un cosplay. Mais c'était un bel événement, c'était pas très gros. C'était le genre à nous dire que le Père Noël, c'était pas le vrai, là, puis qu'il n'existe pas. T'es pas fin, Daniel. Ma magie, là, moi, là, j'essaie de la préserver, OK? Qu'est-ce que tu veux que je dise à ça? Continue, vas-y. Non, Bowser, tu es arrivé à un moment donné, puis il a enlevé la princesse, puis tout, ou non? Ben, je sais pas, mais moi, aux nouvelles, ce soir-là, j'ai vu un incendie à peu près dans cette boutte-là. Fait que, bref, faites le lien. Mais puis Mario est sorti de je sais pas, des égouts de Montréal. Du tuyau? Ouais, du tuyau. Fait que, non, c'est ça. Fait que l'événement était assez, entre guillemets, intime. Là. Pas de pensée croche ici, là, mais c'était pas très gros. Pas nécessairement parce que Nintendo avait rien à montrer, mais plus parce que on voulait que les gens fassent le tour de ce qu'il y avait à montrer. Et c'est sûr que j'ai pu essayer différents jeux. Par contre, il y avait des attentes par rapport à l'événement, surtout de collègues journalistes, parce qu'il y en a beaucoup qui réclament de voir Mario Kart. Et on sait qu'en Europe, les gens ont pu déjà y jouer à Mario Kart. Malheureusement, Mario Kart n'était pas là. Le seul jeu, en fait, qui était présent puis qui va sortir l'année prochaine, c'est Donkey Kong Country Return... Donkey Kong Country Tropical Freeze, qui a été retardé récemment au mois de février. Donc, c'est le seul jeu qui sort l'année prochaine, qui était présent. J'en avais déjà parlé dans la réalité augmentée de ce jeu-là, puis j'ai pas grand-chose à rajouter parce que c'était globalement le même démo. Donc, tu sais, c'est un Donkey Kong, on sait à quoi s'attendre, c'est à peu près le même style que Donkey Kong Country Returns. Il y a quelques nouveautés... graphiquement, ça a été rehaussé, évidemment. Tu sais, c'est quand même la Wii U, c'est quand même en HD. Mais je dirais que c'est pas de grosse surprise. D'ailleurs, globalement, moi, quand je suis sorti de là, j'ai fait, tu sais, Nintendo, de ce qu'ils présentent, ça ressemble beaucoup à de la bouffe de grand-maman. Tu sais? Dans le sens, tu sais, c'est... Il n'y a pas de surprise, tu sais c'est quoi, c'est le fun, c'est réconfortant. Tu sais, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça à quoi qu'on a eu droit. T'es en train de comparer Nintendo à un Pepperman? Une soupe aux plein nouilles, genre? Non, moi je pensais plus au ragoût de ma grand-mère. OK. Mais il est super bon, là. Mais tu sais, genre, tu sais, ragoût, gâteau, fruits, tu sais, genre les repas de grand-mère, tu sais. Ouais. C'est confortant, là, tu sais, c'est le fun. Des pantoufles en Fentex, là, tu sais. Ouais, c'est ça, okay. Tu sais, genre, puis les murs avec la tapisserie. Bon. C'est bon. Exact. Mais, tu sais, c'est juste pour dire, Nintendo, les produits qu'ils vont lancer d'ici la fin de l'année, puis en début d'année prochaine, ça sera pas, tu sais, des nouveautés qui vont vous jeter à terre, mais je pense que ça va quand même être des produits qui vont être super intéressants puis qui vont être super le fun. Parce que, bon, là, j'ai parlé très brièvement de Donkey Kong, mais il y a des bons jeux qui s'en viennent. Il y en a pas une tonne, mais il y en a des bons. Et celui que la plupart des gens ont préféré, c'est Super Mario 3D World. Ouais, il a l'air bien pour là-dessus. Il est très bien. Il est ça, tu sais, c'est la bonne vieille recette des Mario, mais je pense que Nintendo a réussi à un petit peu, tu sais, étendre ou en tout cas dépasser les limites de ce que Super Mario 3D Land avait offert, dans le sens que les mondes sont plus ouverts. On a repris beaucoup d'éléments des anciens Mario pour les greffer à ce jeu-là. Par exemple, vous allez avoir des power-up comme le Mario géant qui avait été présent dans New Super Mario Bros. Vous allez avoir... Il y a le Mario genre chat aussi, j'ai vu. Là. Ouais, ça, le Mario chat, ben, j'en avais parlé parce que c'était comme la grande nouveauté. C'est sûr que la technique du chat apporte certaines nouvelles dimensions. Par exemple, Mario chat va pouvoir faire apparaître à certains endroits des pièces qui sont cachées, des choses des comme ça. Des boules de poils. Ouais, des boules de poils. Mario va faire... Le pouvoir, c'est cracher des boules de poils. Ouais, c'est ça, tu sais. Oh, ça m'étouffe, tu sais, genre, il va sortir ça, là. Avec un accent québécois. Ouais, ou Peach qui va faire la chatte comme Pascaro l'a déjà fait. Mais, tu sais, en fait, c'est ça, le chat, ben, ça permet aussi de grimper sur les murs, donc tu peux trouver des étoiles, des choses comme ça. Mm-hmm. Et le fameux drapeau à la fin d'un niveau, ben, tu vas pouvoir grimper dessus pour atteindre le bout. Si tu rates ton saut, c'est pas grave, tu peux quand même grimper dessus. Mais il y a certains power-ups que j'ai vraiment trouvé le fun. Entre autres, il y en a un, c'est une tête de Goomba. Et quand, bon, là, tu te promènes avec, les Goombas arrivent vers toi, mais si tu la mets, ils vont te prendre pour un des leurs. Donc, dans le fond, ça te permet de passer incognito. Ça, c'est pas grand-chose, mais c'est le fun, tu sais. Puis le design des niveaux est toujours aussi excellent. Il y a quand même beaucoup d'action, surtout à 4, là, évidemment. Là, le chaos est quand même assez présent quand tu joues à plus qu'un. Mais je dirais que, c'est ça, tu sais, le level design est solide. Il y a beaucoup de secrets, beaucoup plus que je pensais. Il y a beaucoup de vie éparpillée un peu partout, mais il y a entre autres 3 étoiles vertes à trouver dans chaque niveau, donc qui sont d'ailleurs assez bien cachés dans certains cas. Tu as parlé de jeu à 4. Est-ce que tu as encore là, le fameux personnage là, que lui, il est comme immortel, là, il se fait pas toucher par personne. Habite? Ouais, pour une personne, disons, un joueur plus faible. Non, ben, écoute, je sais pas si il va avoir une spécificité ou une technique ou une caractéristique pour un joueur qui serait plus faible, mais les 4 personnages qui sont offerts pour le jeu à 4, c'est Mario, Luigi, Peach et Toad. Okay. Donc, les personnages qui étaient dans Super Mario Bros. 2 à l'époque, là, ça fait très très longtemps. Donc, c'est un peu un genre de clin d'œil que Nintendo a voulu faire aussi. Mm-hmm. Donc, non, Nabit n'est pas là. Quoique, peut-être qu'il est là dans le jeu, mais tu sais, de ce que j'ai vu, moi, il n'est pas là. Pas jouable. Non, pas de ce que j'ai vu. Donc, puis tu sais, autre nouveauté, encore une fois, je le dis, c'est pas grand-chose. Nintendo, c'est très réconfortant, on sait qu'est-ce qui s'en vient, mais c'est les petites nouveautés comme ça qui font en sorte que le jeu est intéressant, puis parmi elles, ben, la navigation dans les mondes, tu sais. Avant, ben, quand t'étais à un monde, tu pesais sur la flèche de ta croix directionnelle, puis tu passais à l'autre monde. Là, c'est plus ouvert, dans le sens que tu peux te promener comme sur la carte. Donc, ça, c'est le fun, c'est cute, puis je pense qu'il va y avoir des secrets aussi là-dedans, là, dissimulés un peu partout. Donc, Super Mario 3D World, moi, je pense que ça va être un succès. Faire vendre des Wii U, en tout cas. Ça, je suis pas mal sûr. Idéalement, il faudrait qu'il y ait un ensemble Wii U, mais je pense pas que ça va être le cas parce que, bon, Nintendo a maintenant remplacé l'ensemble qu'il y avait avec Nintendo Land. Donc, pour le mettre avec New Super Mario Bros. U et New Luigi U. Ça a été annoncé aujourd'hui. Hein. C'est ça, tu sais. Je pense pas qu'il va y avoir un ensemble Super Mario 3D World, mais je pense que Super Mario 3D World est le jeu sur Wii U. Puis pas mal le seul d'ailleurs, sur lequel Nintendo compte pour cet automne. Puis de ce que j'ai vu, ça va être solide. Ça sera pas une grande nouveauté, ça révolutionnera pas la série Mario, mais ça va être super le fun. Est-ce puis qu'on pense... fait un lien avec le Super Mario World qu'il y avait sur Super NES? Est-ce que c'est une continuité? Ben, tu sais, genre que tu peux embarquer sur un Yoshi, des choses comme ça là. Ben, je sais que Yoshi, il est là dans le jeu. Par contre, bon, dans ce qu'on a pu essayer, on ne l'a pas vraiment vu. Je sais qu'entre autres, il y a un radeau, là, Yoshi. D'ailleurs, c'est assez chaotique là, à 4, là, parce que chacun essaye de tirer de son bord. Mais je sais que Yoshi est là, mais à quel point il est présent, ça, je pourrais pas répondre pour l'instant. Il va falloir que j'attende la version finale. Parfait. Donc, je préfère pas trop m'avancer. Un autre jeu, ben, en fait, je sais pas là, combien de jeux que je peux parler, mais il y a un jeu qui s'en vient sur la eShop qui s'appelle Shovel Knight. Donc, les joueurs sur PC vont probablement savoir de quoi que je parle parce que le jeu est disponible sur PC et ça s'en vient sur la eShop autant de la Nintendo 3DS que de la Wii U. La version démo qui était démontré à l'événement Nintendo, c'était celle sur Wii U. Et Shovel Knight, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi? C'est un jeu de l'ère 8-bit. Donc, on retrouve des graphiques du temps de la NES et puis des choses comme ça. Mais c'est un jeu où tout ce que tu as à faire, c'est d'avancer, tuer des ennemis, puis de trouver des trésors, du loot, entre guillemets. Bon, et puis c'est ça le but du jeu, tu sais, c'est juste d'avoir du fun. Le jeu est pas très difficile, ça Nintendo l'avoue là, candidement, parce que c'est eux autres qui vont le publier, mais le jeu est pas très difficile parce qu'on veut vraiment que tu puisses arriver à la fin puis juste avoir du plaisir. Donc Shovel Knight, je vous dirais le seul truc qui me dérange, c'est peut-être son prix de vente. C'est quand même 15$. C'est pas le moins cher, tu sais. Pour ce que j'ai vu, tu sais, c'est une expérience un peu old school. C'est bon, mais à 15$, je trouve ça peut-être un peu cher. Hein, c'est plus cher que sur PC, il me semble qu'il était comme autour de 9,99 sur PC. Ben, c'est ça. Okay. C'est ça, tu sais, sur 3DS puis Wii U, on va le vendre à 15$, puis contrairement aux plateformes de Sony, c'est pas cross-buy, hein. Tu sais, c'est pas tu l'achètes sur une plateforme puis tu l'as sur l'autre. Donc, dans le fond, si tu le veux sur les deux, ben, c'est 30$. En plus. Fait que, tu sais, c'est la chose qui me picosse un peu avec les versions pour les plateformes de Nintendo de Shovel Knight. Le jeu est le fun, tu sais. Puis je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant, mais c'est sûr que si vous pouvez vous l'acheter sur PC, à cause du prix, je vous dirais peut-être tournez-vous vers ça. Mais y a-t-il une jouabilité différente à sa Wii U? Pas vraiment. C'est sûr que le gamepad, tu peux jouer sur le gamepad, là. Tu sais, t'as le mode, en fait, hors TV. Ça, oui. Mais pour le reste, je dirais, encore une fois, il va falloir que j'attende la version finale parce que, bon, tu sais, c'est un don démo. Veux pas. Si j'ai le temps, je vous parlerai de deux derniers jeux. Vas-y. OK. Le dernier jeu sur Wii U dont je vais vous parler, parce que bon, les gens avaient du fun avec Wii Fit U, là, mais moi honnêtement, c'est pas ma tasse de thé pantoute ce jeu-là. Mais je sais que le monde avait bien du fun puis s'entraîner les abdos, là. Fait que surveillez ça, ça va être une vingtaine de dollars au niveau digital. Fait que ça peut être intéressant. L'autre jeu que j'ai plus vu, c'est Sonic Lost World. Je vais vous en parler plus longuement quand je vais avoir la version finale. Mais moi, la version démo m'a pas du tout convaincu. C'est plate parce qu'on avait de l'espoir avec la franchise Sonic. Tu sais, après plusieurs jeux qui ont été assez médiocres, merci, dans la série Sonic, quand Sonic Generation est paru, on a fait « Ah, ça y est, tu sais, c'est un regain de vie pour la série ». Et là, on vient de redescendre, en tout cas, de ce que j'ai vu avec Sonic The Lost World. C'est pas très bon. Juste pour être poli, là, c'est parce que c'est un mélange de Sonic, de Super Mario Galaxy, puis de d'autres choses. T'sais. C'est comme plein de genres mélangés. Le joueur n'a pas toujours le contrôle sur Sonic. Il y a beaucoup d'actions qui sont automatisées. Tu comprends pas trop non plus pourquoi certains éléments de design sont là. Je sais, à un moment donné, écoute, Sonic se prend pour Donkey Kong, là, dans le sens que t'as comme des espèces de canons, puis là, tu te pitches d'un canon à l'autre, puis ça ressemble beaucoup à Donkey Kong, mais ça a comme plus ou moins sa place dans le jeu. Les contrôles sont pas nécessairement évidents non plus. Tu sais, entre autres, à un moment donné, t'es dans les airs, l'action ralentit énormément, ce qui est un peu paradoxal avec la série Sonic qui mise beaucoup sur la vitesse. Puis c'est comme pas trop clair ce que t'as à faire, puis c'est très imprécis aussi. J'ai vu des enfants y jouer, ils l'ont lâché après une couple, je dirais même pas une couple de minutes, là. Oh. Je dirais une minute max, il y en avait assez. Ça, c'est un signe flagrant, parce que l'enfant, il n'y a pas de... Tu sais, il n'y a pas de désir de surveiller, voir si ça va venir éventuellement. Non, c'est le plaisir là, tu sais. Non, c'est ça, tu sais. Puis les adultes qui étaient autour avaient beau leur dire, ah, ben là, évite ça. C'était trop compliqué, là, pour un enfant. C'était pas intuitif du tout. Puis pour un adulte, c'était pas intéressant. Donc, on vit ça. Non, c'est ça. Fait que honnêtement, là, Sonic the Lost World, et boy, tu sais, malheureusement, je pense qu'on retrouve les jeux Sonic qui n'étaient pas fameux d'il y a quelques années. Fait que ça, c'est pour la Wii U. Sur 3DS, j'ai évidemment essayé The Legend of Zelda, A Link Between Worlds. Malheureusement, ce dont j'ai été un peu déçu à l'événement, c'est que c'était le même démo que j'ai essayé l'été dernier. Donc, le gars qui m'a présenté le démo, il dit « Ah, tu sais, c'était vraiment bon, là, tu peux... » On a un temps maximum de 10 minutes dans le démo, tu peux le faire en 10 minutes. J'ai dit « Ben oui, c'est sûr, je le connais, le démo, je l'ai fait l'été dernier, tu sais. » Fait que, en gros, Zelda A Link Between Worlds, je pense que ça va être bon. Est-ce que ça va être aussi bon que certains, en tout cas, que certains le voudraient? Je suis pas si sûr que ça. Honnêtement, je pense qu'il va manquer peut-être une petite touche épique, tu sais, que A Link to the Past avait. Je pense qu'il va manquer un petit peu cette touche-là. Moi, j'ai pas senti, c'est peut-être parce que c'était juste un démo, mais j'ai pas senti, tu sais, l'espèce d'ambiance vraiment, tu sais, qui nous plongeait dans une quête, là, vraiment là, qui défiait les âges puis qui défiait le temps aussi là. J'ai pas senti ça dans A Link Between Worlds. Ça enlève rien au fait que je suis sûr que le jeu va être bon là. Je suis sûr de ça. Tu sais, il y a des puzzles intéressants, surtout avec le fait que tu peux maintenant t'imprégner dans le mur là. Bon, mais pas mémorable, c'est l'impression que t'as. C'est l'impression que j'ai, mais c'est une impression basée sur un démo de 10 minutes. Là, t'sais. On s'entend que c'est pas gros. Là. Mais moi, mon expérience me dit... T'sais, écoutez, attendez à Link Between Worlds, mais si vos attentes sont trop élevées, vous risquez d'être peut-être un peu déçu. Mais encore là, c'est super préliminaire comme impression. Mais c'est juste que, bon, tu sais, j'avais pas de scénario non plus, là, ça aidait pas. Tu sais, je savais pas trop dans quoi j'étais pitché. Tu vois, Daniel, les préliminaires, tu sais, hein? Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que, bon, parallèle. Mais, tu sais, c'est... Moi, j'ai pas eu... Tu sais, des petits papillons-là là, que j'avais quand j'ai joué à Link to the Past. Mais visuellement, moi, je trouve que le style est intéressant. On retrouve un style entre le réaliste puis le cartoon. Donc ça, j'ai aimé ça. On retrouve beaucoup d'ennemis de Link to the Past aussi. Puis en même temps, tu sais, il y a des puzzles qui sont vraiment intéressants. Il y a des puzzles justement qui prennent, qui tu sais, profitent du fait que Link peut s'imprégner dans le mur comme une espèce de d'icône... de hiéroglyphe. Ouais, d'hiéroglyphes, exactement, merci. Puis, il y a aussi des casse-têtes qui tirent profit de la vue en profondeur. Donc, moi, je pense que ça va être un très bon jeu, mais est-ce que ça va être un jeu qui va, tu sais, qui va faire partie des meilleurs de la série Zelda? Je me garde une petite gêne encore. Alors, donc, au final, mitigé pour cet événement Nintendo? Moi, je pense que, ben, je suis pas mitigé. Je pense que Nintendo va offrir d'excellents jeux. Le 22 novembre, je pense que ça va être toute une journée avec A Link Between Worlds plus Super Mario 3D World. Je pense que ça, c'est vraiment les deux jeux forts. Puis je pense que c'est les deux meilleurs jeux qui étaient présents à l'événement. Mais pour le reste, écoutez, c'est sûr qu'il y a pas grand chose qui s'en vient d'ici la fin de l'année, là, tu sais. À part si vous êtes intéressé par Wii Fit U, là. Mais pour le reste, ça va pas mal se limiter à ça. Wii Fit U, ça marche avec le balance board de la Wii, de la Wii régulière, j'imagine? Oui, absolument. Okay. Puis ils ont-tu montré quelque chose du Mario Kart qui s'en vient? Parce que je pense que ça s'en vient l'année prochaine, là, mais moi, ce que j'en ai vu, il est vraiment super beau, là. Non, ils n'ont rien montré, pas d'infos, pas d'images, pas de vidéos, pas rien. Donc, okay, malheureusement, écoutez, je trouve que c'est un titre que j'attends moi aussi, mais il n'y avait rien de ça, ni de Smash Bros. Non plus, mais ça ne m'étonnait pas vraiment. C'est deux titres qui vont faire vendre des Wii U, ça. Ouais, Mario Kart puis Mario 3D World, là. Mais Mario 3D World, moi, honnêtement, là, plus je le regarde, plus je vois des vidéos aussi sur Internet, parce que Nintendo en publie quand même régulièrement, plus j'ai envie d'y jouer, là, tu sais. Puis plus j'ai envie de refaire d'autres Mario. Honnêtement, là, moi, c'est un jeu, tu sais, je me suis dit, ah, Nintendo, il emploie une formule classique, ça va être un jeu facile à développer, puis un peu de réchauffer. Mais non, je pense que, tu sais, Nintendo a utilisé autant des vieux éléments que des nouveaux, puis a combiné tout ça pour, en tout cas, un jeu qui risque d'être assez intéressant à la fin novembre. Donc, ça sera à suivre. Ouais, absolument. Luc, on va y aller avec toi. Tu t'es proposé pour mater des filles en train de se battre. Ben oui. C'est un peu simpliste bon. Comme façon de le dire, mais c'est un jeu qui s'appelle Girl Fight. En partant, ça dit ce que ça a à dire. Et c'est disponible sur XBLA. XBLA, PlayStation Network. Bon, c'est pas compliqué. Tout le monde a déjà joué à un jeu de combat, du moins j'imagine. Street Fighter, Mortal Kombat, je sais pas moi, Virtual Fighter dans le temps qu'on a connu si on est un petit peu plus vieux, puis Dead or Alive et tout ça. Des Tekken, ça fait de même. Là. Ouais, c'est ça. Ce qu'on a fait avec Girl Fight, c'est qu'on a pris un jeu genre Dead or Alive, puis on a enlevé les gars. Donc, ça fait un jeu où il y a seulement des combattantes. Donc, on a 8 combattantes qui se battent pour... Bon, on nous met une histoire là-dedans, là, mais après 2-3 combats, on commence vraiment à un peu se foutre de l'histoire. On se retrouve un peu dans un univers qui ressemble un peu à la Matrice. Puis, je vais expliquer un peu, c'est que les combattantes sont pas vraiment là. On est plus comme dans leur... pensée ou dans une réalité virtuelle, une réalité augmentée. Ben oui. Puis au lieu d'arriver sur l'arène, ils se font comme télécharger sur l'arène. Donc ils apparaissent comme en petits morceaux, comme si c'était des bits qui apparaissaient sur l'arène. Donc ils se créent tranquillement en petits blocs, puis là ils apparaissent, puis là on se bat une contre l'autre. Puis quand la fille tombe à terre. Attends, Luc, des bits? Oui, oui, oui. Bits. Ouais, ouais, ouais. Hey. J'ai rien compris. C'est un podcast familial. Oui, non, non, tes mais... Tes idées croches, garde-les pour toi. Non, mais je rappelle que tu parlais de Girl Fight, là. Fait non, que... ouais, c'est ça. Okay, c'est beau, merci. Ah, je te dis, il faut tout... Ah, vous êtes les idées croches. Moi, j'ai rien dit, là. Non, non, c'est lui. Ils ont l'air d'avoir des belles qualités, tu sais. C'est encore les cupcakes, je pense. Ouais, peut-être. C'est ça. Et du sucre, puis les idées croches. Donc, les filles apparaissent dans l'arène. Il y a plusieurs arènes différentes. Dans des mondes différents, il y a un monde de méca où on voit des mécas se battre à l'arrière, il y a un peu d'animation à l'arrière, on a un monde qui ressemble un peu au film La guerre des mondes avec Tom Cruise où il y a des grosses bébites qui marchent dans le fond là. Donc on a vraiment des arènes différentes pour se battre, on a des combattantes différentes, comme je disais on en a 8, sur les 8 il y en a une qui est comme l'intelligence artificielle du jeu, celle qui gère les combats. Puis où on est, c'est qu'on s'est fait enlever, quand on se fie un peu à l'histoire, on s'est fait enlever par une organisation qui s'appelle la Fondation. La Fondation, puis là, cette intelligence artificielle-là qui s'appelle Chrome, arrête pas de nous dire la Fondation vous utilise, la Fondation n'est pas ce qu'elle semble être. Puis après ça, elle dit, bon, si vous voulez que je vous aide, vous allez devoir vous montrer meilleur que toutes les autres filles ici. Puis là, ben, on s'en va, plus on se bat, plus elle change son histoire. Au début, elle nous dit qu'elle peut... nous dire pourquoi qu'on est là, assez pourquoi qu'on est là. Il y en a une qui est Viper, qui a perdu des membres. Puis bon, elle se fait dire « Je sais pourquoi vous avez perdu vos membres, je peux vous rendre vos membres », des choses comme ça. Mais quand on se bat, ça paraît pas parce que bon, on est virtuel, on est entier. Mais bon, le style de combat est quand même amusant. Les graphismes, bon, si on commence par les graphismes sont correct. Là. Les arènes sont belles. Les personnages sont moyennement bien modélisés. Bon, c'est un jeu Xbox Live. Là. C'est à peu près... c'est un peu moins de 2 gigs le téléchargement. 1,74 gigs le téléchargement. Donc, c'est pas énorme. Les graphismes sont corrects. Sont pas super beaux. Les personnages sont pas super bien rendus. On sait d'emblée quel genre de qu'est-ce qu'on ciblait avec ce jeu-là, là, on cible les gars, c'est sûr et certain. Ce qui est le fun, c'est qu'encore un autre jeu de combat avec des filles où est-ce que la peau semble être une armure. T'sais. Plus t'en montes, plus t'es forte. T'sais. C'est ça. Mais ils ont tout. T'sais, du linge plus ou moins, ils sont tous plus ou moins habillés ou ils ont juste pas de linge à la bonne place. C'est très suggestif. On essaie d'en montrer le plus possible tout en restant correct. Donc, chaque personnage est habillé différent. Il y a des personnages, c'est des soldats. Il y en a un, c'est un agent secret. Ce qui est drôle aussi, c'est que il y a des personnages qui viennent de provenances différentes. Comme il y en a une, c'est Daisy, c'est une PDG. C'est le PDG d'une grosse compagnie. Shotgun, c'est un soldat. Wrench, c'est une scientifique. Elle sait se battre quand même. Viper, assassin. Chaos, c'est un élève militaire. Wildchild, c'est un soldat. Donc, on a des personnages différents. Puis on a Chrome qui est le boss. Donc, ça, c'est notre liste de personnages. Puis, notre but, c'est vraiment... On commence avec seulement un personnage. On commence avec Wildchild, qui est une jeune fille d'à peu près 20 ans là, qui doit se battre. Puis là, le but, c'est à peu près comme n'importe quel jeu. C'est qu'on passe à travers chaque personnage pour se rendre jusqu'au boss, qui est Chrome, qu'on va devoir battre deux fois. Comme je disais, les combos sont intéressants. On peut faire un certain nombre de combos, mais à un moment donné, c'est juste qu'on donne un coup, la personne tombe à terre, puis là, elle se relève. Là, ça brise notre espèce de suite de combos qu'on pourrait faire. Il y a des nombres de combos ou des moves là-dedans, il y en a, c'est une quantité incroyable. On peut voir la liste de tout ce qu'on peut faire comme combo, puis ça finit plus. Là, je penserais jamais être capable de connaître tous ces combos-là, même si je voudrais, puis je veux pas. Il y a aussi des pouvoirs. Donc, ces personnes-là, vu que c'est dans l'irréel, comme dans une matrice, on a des pouvoirs, on a certains pouvoirs. Il y en a un qui peut, l'illusion peut paraître comme transparent, où on peut se transformer en une espèce de boule de métal. Ça ressemble un peu à un Transformer, mais au Terminator, dans le Terminator 2. Des attaques où la personne peut soit frapper à terre, faire une onde de choc, ou vraiment faire comme envoyer une onde de choc en sautant dans les airs. Fait qu'on envoie une onde de choc. Ça, c'est pas tellement clair comment on le fait. À un moment donné, j'ai passé à travers le jeu au complet avec chaque personnage pour toutes les débarrer, parce que t'en bats un, il t'en donne une autre, il en débarre une, là, tu peux te rebattre avec elle, tu fais tout le long, tu fais tous les combats, les 8 combats, il t'en débarre une autre, jusqu'à temps que tu aies débarré les 7 filles. Après ça, tu peux débarrer aussi Chrome, qui est la boss. Chrome que tu bats deux fois, puis tu sais, là, il y a Chrome, puis après ça, la deuxième version, c'est Chrome OS, hein, c'est ça. Mais là, Chrome OS, ouais. Mais Chrome, tu fais juste la battre, comme tu te bats contre juste seulement une fois, tu te bats pas contre toi-même, tu te bats contre le deuxième toi-même, qui est comme la virtuelle, ouais, c'est ça. Les combos sont intéressants. On peut faire différents moves et tout ça, mais à un moment donné, ça vient redondant. Il y a trois modes. Il y a le mode normal, il y a le mode difficile, puis il y a le mode, je pense, c'est infernal. J'ai réussi à passer le jeu à peu près au mode normal, là, passer tous les combats, se rendre au boss, battre le boss, puis se rendre à débarrer la prochaine fille, c'est à peu près 20 minutes. OK. Donc, si vous le finissez à normal, 8 fois 20 minutes, là, le jeu, vous avez passé à travers. Après ça, ça peut vous tenter de le mettre en mode difficile. Moi, ce que j'ai pas fait, peut-être par manque de temps ou par manque d'intérêt à un moment donné, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un combat, on ramasse comme de l'argent. Puis là, on peut aller acheter des pouvoirs, augmenter nos pouvoirs, donc des pouvoirs différents. Ce qui est très mal expliqué dans le jeu. Si vous allez lire comment... jouer au jeu, quel bouton peser, tout ça, on vous montre, mettons, le bouton jaune qui est Y, ça veut dire genre C dans le jeu. Fait quand il vous montre les instructions, il vous montre C avec un bouton jaune, mais quand vous allez lire la légende, C jaune, c'est vraiment Y. T'sais. À la place de mettre Y, c'est comme Y. C'est juste mélangeant pour rien. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Un cost, peut-être. Ouais, peut-être pour le coder pour n'importe pour les deux consoles, ils ont okay. On se cassera pas la tête là-dedans. Là. Bizarre. Ouais, c'est ça. Fait que tu lis ça, puis si tu vas pas lire vraiment la légende, tu comprends vraiment pas grand-chose. Mais bon, j'ai réussi à passer à travers le jeu pareil. En jouant, on découvre. Mais là, à un moment donné, tu te bats contre une fille, puis elle te fait un pouvoir autre que toi, t'as pas. Puis là, tu dis, Comment est-ce qu'elle fait ça? Puis là, tu vas essayer toutes les maudites combinaisons possibles pour dire, ben, je vais le faire, ce move-là, je vais le faire. Puis là, tu le mets à facile. Là, tu vas en mode entraînement. Puis là, tu dis, ben, je suis pas capable de le faire. Puis là, jusqu'à temps que tu ailles voir dans le magasin avec ton argent ramassé dans le jeu. On peut pas payer pour acheter des pouvoirs. Là. C'est vraiment de l'argent ramassé dans le jeu, ce qui est très bien. Ben là, on s'aperçoit, ah, il est là, le pouvoir, ça s'appelle attaque. Puis là, ben, tu as tes pouvoirs de donner un coup à terre, faire un onde de choc, ces choses-là. Donc, c'est un jeu qui est quand même intéressant. Je vous dirais qu'il y a des meilleurs jeux de combat que ça sur la planète. À chaque fois, vous allez finir, juste pour montrer quel genre dans quel genre d'idée il était quand ils ont fait ce jeu-là. Quand vous terminez un personnage, vous gagnez une espèce d'image dans le jeu. Puis c'est la fille dans sa forme la plus dénudée, mais avec tout caché. Là, mais genre, tu sais, il y a il va avoir une petite languette de tissu qui va passer sur sa poitrine pour cacher, tu sais, pour pas qu'on voit trop, mais c'est très suggestif pareil. Fait qu'on sait exactement à qui ça s'adresse. Ça s'adresse probablement aux jeunes garçons, même si c'est un jeu qui est mature, tu sais, mais ils disent nudité partielle, il y en a quand même, c'est pas exagéré. Partielle, genre 95%. Ouais, mais tu sais, on en monte tant qu'on peut, là. Et puis la gravité est toujours, tu sais, on joue au jeu des fois et on se dit, ouais, tu sais, c'est pas nécessairement super bien fait, mais la gravité est toujours à la bonne place. Ils ont animé les arts. C'est un peu comme Dead or Alive. Ceux qui ont joué à Dead or Alive, l'animation à certaines parties du corps humain est plus importante que dans d'autres places. Ils en ont mis, là. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça dans ce jeu-là, tu sais. Mais c'est pas un jeu qui est mauvais. Je veux dire, il est quand même le fun à jouer. Les combos sont intéressants. L'histoire, on s'en fout carrément. On joue pas ça pour l'histoire. On joue ça pour taper des gueules, puis c'est à peu près ça. Mais il y a mieux que ça. Il est 10$ sur le Xbox Live. Il doit être 10$ aussi sur le PlayStation Store, j'imaginerais. Ça serait pas mon premier choix. Si vous regardez les spéciaux, des fois, il va y avoir des jeux de combat qui sont pas mal mieux que ça pour peut-être le même prix ou peut-être même moins cher que ça. Il y a une démo disponible. Téléchargez la démo si vous voulez l'essayer. Mais je vous dis, intéressant, mais si vous avez un jeu à vous acheter cette année, je vous dirais d'aller voir pour d'autres choses. Peut-être même un vieux jeu dans une espèce de bin au centre du magasin chez Walmart serait peut-être plus intéressant que ça. Mais je veux dire, c'est correct. Pour un jeu de combat, moi, j'y donnerais peut-être un 6.5 sur 10. Je peux pas aller plus que ça, là. Note de passage. Ouais, ouais, même, je suis peut-être un peu généreux, là. Tu sais, c'est... Vas-y. Ben, moi, j'ai juste une interrogation à savoir. Qu'est-ce qui t'a poussé à acheter ça? Je l'ai pas acheté, je l'ai reçu de Microsoft. Oh, ok. Ouais, Microsoft essaye de t'acheter avec des top produits, là. Non, c'est ça, mais c'est pas méchant. Comme je dis, c'est pas nécessairement méchant. Ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que ça va sonner des cloches à des gens un peu plus vieux, des gens de mon âge. C'est la compagnie Microprose est là-dedans. Oh boy! Microprose, on parle de jeux triple A dans le temps, là. Ouais. Du Commodore 64 puis du PC, le Microprose, c'était Electronic Arts, Activision, là. Ça jouait dans les mêmes genres de jeux, puis dans la même qualité de jeu qu'eux autres. Là. Même Microprose, c'est pas eux autres qui ont sorti les premiers jeux de Sid Meier's dans le temps? Si je me rappelle pas, SimCity des choses comme ça, c'était pas... Il était associé. Fait que ça sortait des jeux de ce style-là. Là. Fait que quand j'ai vu le nom de Microprose attaché à ça, là, je me suis dit, oh, pas l'air. Oui, Sid Meier's fait partie des fondateurs de cette... Ils ont fait Pirates, Formula One, Grand Prix, XCOM, Civilization. C'est ça. Ce que tu nous dis, c'est que c'était dans les tops dans le temps. Là. C'était du triple A dans le temps. Puis là, je regarde ça, puis je me dis, faut tomber bas pour tomber à faire ce genre de jeu-là. Mais c'est sûr, tu sais, Microprose ont disparu de l'univers à peu près, peut-être une dizaine d'années, j'imagine, peut-être un peu moins que ça, là, mais ça fait longtemps que j'avais pas entendu parler d'eux autres. Fait que faut que tu recommences à quelque part, j'imagine. J'imagine que c'est pas le genre de jeu qui est difficile à faire. Il y avait un jeu disponible, ils ont décidé probablement de juste le publiciser pour une plus petite compagnie. Puis, écoute, je suis sur la page Wiki Franco, là, et ça dit « Disparition en 2001 ». Donc, c'est vraiment une renaissance. C'est vraiment les mêmes microproses. C'est une renaissance. C'est ça. Mais c'est comme je dis, c'est pas un jeu qui est méchant. Il y a certains combos qui sont le fun. Il y a certains coups qui sont le fun. Il y a un mode où si on commence à vraiment frapper fort puis à être capable d'enchaîner quelques coups un après l'autre, il y a un mode étourdissement qu'on appelle où la personne est vraiment étourdie. L'autre fille est vraiment étourdie puis elle est plus capable de se défendre. Puis là, on peut mettre un combo avec Y. Les personnages ont un ou deux moves spéciaux, là, des combos spéciaux où ça va enchaîner 3-4 coups d'un coup. C'est bon pour finir ou vraiment descendre la force du personnage. Fait que, tu sais, il y a des choses intéressantes dedans, mais tu sais, tant qu'à faire un jeu de combat, faites un vrai jeu de combat. Faites pas un jeu où on essaie juste d'être cheap en mettant des filles en petite tenue. Tu sais, mettez une coupe de gars dedans, mettez peut-être des bébites qui se battent. Rendrez ça intéressant. L'univers est le fun parce que c'est un univers virtuel. On est un peu comme dans une matrice. Puis ce que j'ai trouvé un peu plate aussi, c'est que à chaque... Là, bon, mettons spoiler. Là, à chaque fois qu'on finit une fille, qu'on finit de débarrer un personnage, on a passé les 8 combats. Le dernier combat, Chrome nous dit, c'est votre test final. Si vous me battez, je vais vous donner ce que vous voulez. Ce que toutes les filles veulent, c'est sortir de la matrice. C'est aussi simple que ça. Donc, en combat Chrome, on sort de la matrice. Là, on voit notre personnage qui, bon, au lieu de faire sa fraîche en disant « Haha, je t'ai battu », marche au milieu de l'arène. Puis là, elle se fait comme téléporter. On la voit monter vers le plafond, elle se fait téléporter. Puis là, ça, c'est l'animation pour chaque personnage. Puis là, on voit comme un œil qui se rouvre. Puis on entend, tu sais, comme si la fille se réveillait un peu en peur, en sueur, parce qu'elle ne sait pas c'est où. Le seul problème, c'est que c'est la même animation pour les 8 filles. Ça veut dire que toutes les filles ont la peau blanche, blanche, blanche, puis un œil bleu. Quand on la sort de la matrice, est-ce que c'est une twist dans le jeu pour nous dire que toutes les filles, c'est la même fille dans le fond? Ou, tu sais, c'est pas expliqué, là. C'est la seule affaire crédible, je pourrais dire, c'est que dans le fin fond, c'est la même fille tout le temps. Là, tu me fais penser à moi, Luc, là. T'analyses trop. Écoute, je vais prendre l'esprit d'analyse légendaire de JB qui pense trop puis qui me tape un peu ses nerfs des fois. Mais je parle de moi là. Sois gentil, come on. Non, mais quand moi je pense comme toi, JB, je me tape ses nerfs, tu sais. C'est plus ça mon point. Whatever. Tu m'en dois une. Ouais, c'est ça. Ben non, je vous en devais une coupe, là. Je vous ai entendu pendant mon absence. Mais non, moi, je pense plus que c'est un petit jeu, pas beaucoup de moyens. Je pense qu'on va utiliser le même modèle. Ah, il aurait pu changer la couleur des yeux, tu sais. Sûrement. Mais cette partie-là, c'est bien fait, par exemple. Quand on regarde la peau, puis l'œil, puis tout ça, on a l'impression d'être peut-être proche de mettons de la modélisation d'un œil de proche de Final Fantasy. Là. C'est vraiment beau là. Mais je veux dire, c'est toujours la même. T'sais, au pire, là, un coup ton animation puis ton modèle est fait, juste mettre la peau un peu plus foncée pour dire elle est noire, elle c'est une asiatique, changer la couleur de l'œil, c'est pas difficile. Là. Je sais pas, il me semble que pour le prix, moi j'investirais un petit peu plus puis j'irais peut-être vers quelque chose de mieux. Non, c'est ça, je te dis, c'est pas mon premier 10$ que j'irais dépenser. Là. Non, mais tu sais, genre, je me dis, mettons, tu prends Dead or Alive 5 Ultimate, tu sais, qui je pense qui est quelque chose comme 30-40$, tu vas en avoir pas mal plus puis de meilleure qualité. Ça. Puis ils ont des filles aussi. Puis le jeu est pas tellement long aussi. Si tu le fais au mode normal puis tu le refais au mode difficile, ça peut étirer, là, mais sinon, je veux dire, c'est pas super long. Fait que c'est ça. C'est 6.5 sur 10. Si vraiment ça vous intéresse puis c'est le style de jeu que vous voulez essayer, allez-y. Mais je vous dis qu'il y a du meilleur stock que ça sur Xbox Live puis sur le PSN. Puis même des jeux de combat, je veux dire, ça se fait tellement depuis longtemps. Même si vous trouvez une vieille copie de Dead or Alive 4, tu sais, dans un magasin de jeux usagés, là, c'est meilleur que ça. Vous aurez plus de temps de jeu pour votre argent. Il y a du jeu en ligne que j'ai pas essayé parce que les jeux de combat en ligne, ça sert rarement à quelque chose d'essayer ça. Il y a toujours quelqu'un qui va te planter du premier coup que tu vas l'essayer. Puis j'avais pas nécessairement le temps non plus de me rendre jusque-là. Fait qu'il y a du jeu en ligne. Il y a des costumes différents pour les filles et tout ça. Là, mais ça, rendu là, c'est du superflu. Là. Même le jeu que je suis en train de combat que je suis en train de développer, je pense que ça va être meilleur. Là. Ça s'appelle JB versus JSP. C'est tout le temps JSP qui gagne. Ouais, tout le temps. Même si tu cheats un god mode, JSP gagne pareil. Moi, personnel de JSP. Ouais, c'est que. JSP versus JB, c'est pareil comme le mode pratique dans Girl Fight, c'est que le combattant avant tout, il bouge pas pantoute puis il sait se taper sa gueule. Exactement. Exactement. Il est pas capable de se défendre. Hey, je peux-tu aller avec mon film? Hein? Tu sais, ouais, vas-y, Force de me faire niaiser, là. Come on. Ben non, on te taquine parce qu'on t'aime. Ouais, me semble. Ça prend une utilité, ce show-là, à part d'être l'animateur. Ouais, c'est, hein, tu sais, je fais juste le montage, je fais les partenariats, je m'occupe des sites web. Écoute, non, je fais... Hein? Donne-moi une tâche de plus, là, tu sais. Ben là. Tu nous mets un sourire d'enfant, c'est cool. Bon, je vais y aller avec mon film qui va vous mettre un sourire d'en face, oui, après l'avoir vu, mais après avoir stressé pendant 1h30. Le film en question, c'est Gravity. Gravité, en français, on a traduit textuellement. Probablement qu'en France, ils vont sortir un titre de 3 pieds de long qui veut absolument rien dire. aucun lien avec le titre d'origine. Mais ça, c'est une autre histoire. Ils ont tendance à faire ça un peu en France. Ça arrive. Ça met en scène... Sandra Bullock dans le rôle principal et dans, ça c'est le rôle féminin, et George Clooney du côté masculin, qu'on va voir donc les deux interagir. Ils sont seuls dans la distribution, à part un petit personnage au début qui ne dure, tu sais, qu'on voit là, quelques secondes à peine à l'écran, mais c'est tout là. Ça nous raconte l'histoire de l'ingénieur Ryan Stone. Ça, c'est le personnage campé par Sandra Bullock qui est dans l'espace pour une première mission. Elle fait le voyage pour aller tester des trucs. Elle, c'est une scientifique. Elle s'en va agrémenter la station spatiale sur laquelle les Américains travaillent avec des bidules. C'est des tests qu'elle effectue et la NASA l'envoie avec une équipe de chevronnés, dont l'astronaute en chef Matt Kowalski, qui est campé par Clooney, dont c'est un astronaute de carrière. Il a plusieurs voyages dans l'espace et qui en est à son dernier tour de piste avant de prendre sa retraite. Donc, c'est vous dire comment le gars, il connaît la business, il sait comment ça marche et c'est d'ailleurs extrêmement bien rendu dans l'histoire. Je vous raconte un peu comment est-ce que on embarque dans cette aventure-là. On voit l'ingénieur Ryan Stone qui est en train de travailler. On a l'autre astronaute, Monsieur No Name, qui travaille à un autre bout de la station, de la navette spatiale. Et t'as George Clooney, Kowalski, qui est en train de se promener avec son jetpack. Puis là, il fait des tours, puis il raconte des histoires de « Hey, en 67, j'ai fait telle affaire. Ah, tel gars, il arrête pas de compter ses histoires. » Puis Houston, il arrête pas de dire « On les connaît. C'est correct, Matt, tu peux arrêter. T'sais. Ah oui, on la connaît. Ah oui, on connaît cette histoire-là. » Donc, tu sais, c'est... comme un côté complètement comme tu sais, détaché. Matt Kowalski, il connaît tellement la business que tu sais, lui, ça le stresse plus. Tu sais, il est chez eux, tu sais, dans l'espace. Et ça va lui servir un petit peu plus tard dans les événements. L'élément déclencheur est, c'est extrêmement simple. Les Russes ont un satellite qui sert à... je sais pas trop quoi, c'est peu important, qu'ils ont tenté de détruire. Mais le problème, c'est qu'ils ont raté l'opération et là, ben, ça a comme créé des débris dans l'espace sur l'orbite alentour de la Terre. Et ces débris-là, ben, ils voyagent à une certaine vitesse, genre hallucinante, là, dans l'espace, on s'entend, ça voyage vraiment vite, avec aucune gravité, c'est juste normal, il n'y a pas de friction, il n'y a rien qui ralentit. Et là, ben, ça cause un peu comme dans une usine nucléaire. T'sais, on fait s'entrechoquer des atomes qui, après ça, ben, vont envoyer des particules. Et si tu contrôles mal, ben, ces particules-là vont aller frapper d'autres atomes qui vont éclater, qui vont frapper d'autres atomes avec les débris, et ainsi de suite. Et là, ça va faire une réaction en chaîne. Eh bien, c'est exactement la même chose avec les débris de satellites. Ceux-ci vont frapper un autre corps céleste, un autre satellite, vont frapper... ça va créer des débris et ça va devenir littéralement une pluie de météorites qui voyagent dans l'espace et qui va menacer l'équipe de cette aventure spatiale américaine. Et c'est là que l'histoire commence. On est rapidement mis dans le bain. Ça prend... peut-être 6-7 minutes, même pas, qu'on a déjà cet élément déclencheur qui va être le moteur de cette aventure de survie des astronautes Earthstone et Kowalski dans l'espace, qui vont voir leur navette être complètement détruite. On va voir, entre autres, Ryan Stone, Sandra Bullock, et on le voit dans le preview, c'est vraiment pas une... C'est pas un gâcheur, là, c'est pas un spider. On va la voir disparaître dans l'espace. Elle sera plus attachée à la navette. Et c'est à partir de ce moment-là vraiment que le côté stressant de l'histoire embarque le combat pour la survie. Et on va voir Kowalski et Stone effectuer différentes opérations au long des 1h30 que dure le film pour tenter de revenir sains et saufs sur Terre. C'est ça la prémisse de base. JB, j'aurais une petite interrogation pour toi. Vas-y. Vu que je sais que t'aimes ça analyser les films. Écoute, j'ai déjà entendu parler des astronautes au niveau justement de la possibilité qu'ils soient un peu perdus dans l'espace, qu'ils n'aient plus de rattache à quoi que ce soit. Mm-hmm. Et ce qu'un astronaute expliquait, c'est que il pourrait pas, exemple, dévier à l'infini, tu sais, dans l'espace, comme on le pense, parce qu'il serait rattrapé par la gravité terrestre. Ça, je le sais pas, c'est-tu romancé dans le film pour rajouter peut-être un petit peu de tension? Je vais dire que techniquement, l'astronaute qui racontait ça, je pense qu'il a raison. Je pense que ses propos sont vrais parce que éventuellement c'est un petit corps céleste. Et oui, la Terre a une attraction sur les petits corps célestes et ceux-ci vont être rattrapés. Mais le temps que l'impulsion, le mouvement d'éloignement soit compensé par l'attraction, je pense que ça se fait pas en dedans de 5 minutes. T'sais. Non, ça c'est clair. Donc, dans la période du film, du moins, on n'a pas cette notion-là qui est mise en place, qui devient qui a un impact sur l'histoire. Ah, OK. Okay? C'est bon. Donc, écoute, je suis pas astronaute, j'ai jamais travaillé pour la NASA. Donc, je peux pas. mais on le sait que tu es allé dans l'espace. Oh, oui. Dans ma tête, régulièrement, mais tu sais, physiquement, non, là, mais... Il est plus dans la Lune que dans l'espace. C'est ça, c'est le corps céleste que je visite régulièrement. Donc, mais tu sais, mes notions de d'espace, tu sais, j'en connais un peu, mais pas tant que ça, là. Tu sais, fait que tes questions techniques, t'es garde pour toi. Bon. Non, c'est parce que, écoute, Gravity, tu sais, j'ai vu le trailer, puis à un moment donné, tu vois Sandra Bullock, justement, tu sais, qui est détachée. Puis là, il me semble que ta voix partir, ouais. Mais là, ça a l'air loin, là, tu sais, vraiment loin. Puis c'est là, je me suis rappelé cette explication-là, puis je me suis dit, OK, tu sais, c'est normal, c'est un film, là, mais est-ce que c'est quelque chose qui, quand tu l'as dans la tête, te paraît réaliste ou justement, tu sais, genre, tu te dis, my God, c'est trop gros, là, mais c'est comme exagéré. Je le compte, la motion qu'il a fait distancer la navette spatiale à laquelle elle est attachée à la base, elle semblait tellement grande, la poussée, que, comme je te dis, je pense pas que la gravité, que l'attraction terrestre soit assez grosse sur un si petit corps pour que ça compense rapidement. Donc, je pense pas qu'en dedans de une heure que la Terre va compenser, tu sais, l'attraction terrestre va compenser. Donc, tu sais, en dedans du film, ben écoute, on le vivra pas parce que cette période-là est relativement courte aussi, cette dérive qu'elle vit. Non, c'est sûr que Sandra Bullock n'est pas grosse non plus. Ça aurait été moi au JB, ça aurait peut-être été différent. Je détache, la Terre me rattrape, c'est en dedans de 5 minutes, là, c'est fait. Écoutez, vous seriez surpris aussi avec moi. je pense que c'est une météorite, moi, que la Terre confondrait. Donc, on va voir les deux astronautes essayer de survivre, de revenir sur Terre avec les moyens du bord, différents corps célestes. Des satellites humains qui sont dans l'espace parce que leur navette à eux est complètement détruite, c'est inutilisable, inopérable. Ils vont essayer d'utiliser des équipements russes, des équipements chinois, il y a différentes étapes. Ce côté-là, pour moi, est moins réaliste, là. Je pense pas que dans l'espace en réalité, là, si ça arrivait, que ça serait plausible, mais dans le cadre du film, ça tient la route parfaitement. Ce qu'il faut comprendre de ce film-là, c'est que c'est un film d'ambiance. C'est un film de stress. Ce que j'ai aimé particulièrement de ce film-là, je ne sais pas si vous avez vu le film de Dredd 3D sur Judge Dredd qui est sorti l'an dernier. Ouais, je l'ai vu, mais si tu t'en vas proche de ça avec Gravity, ça va m'enlever le goût d'aller le voir. Non, mais Dread, c'était vraiment pas bon. Moi, j'ai adoré Dread 3D pour la simple et unique raison, et c'est le comparatif que je vais avoir avec Gravity, puis vous allez comprendre, c'est que Dread 3D ne se bâclait pas avec une mise en situation trop grosse. Le but de Judge Dredd, il rentre d'un building, il y a une dealer de drogue, le but c'est que tu montes les étages jusqu'à elle, t'as tué le boss du jeu vidéo, autrement dit, ou du film, ou tu l'as arrêté, ou peu importe comment est-ce que ça se termine, et après ça, c'est la fin d'une journée, puis demain, on recommence le boulot, tu sais. On n'a pas une histoire plus grande que ça, on n'en a pas de besoin. Ce qu'on veut, c'est un prétexte à des scènes d'action qui brassent, à des scènes d'action qui t'en mettent plein la vue, puis c'est tout, tu sais. On se bâcle pas avec, écoute, des jeux de coulisses qui s'étalent sur des semaines et des semaines, puis là, on essaie de faire une mise en situation politique, tu sais, non. Le but, c'est de te présenter un film d'action. Eh bien, Gravity, c'est exactement ça. De A à Z, dans l'espace du film, on ne te... Tu sais, il n'y a pas de... Bon, ben écoute, c'est à cause d'une telle catastrophe, c'est à cause de telle affaire, bon, c'est à cause d'eux autres. Non, il n'y a pas de complot. On se complique pas la tâche. Le film, c'est survivre dans l'espace et revenir sur Terre. C'est ça. Et c'est ce sur quoi on se planche, qu'on se met à l'attaque en tant que créateur de film. C'est Alfonso Cuarón qui a fait le film, le réalisateur et scénariste du film. C'est ça son idée et il l'a exploité de A à Z. Et il a mis l'emphase là-dessus. Il s'est pas mis les pieds dans les plats avec mille et une situations annexes qui auraient pu gonfler le film, mais qui auraient pu surtout lui nuire. Il y a une idée de base, c'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on présente et ça fonctionne à merveille. Et c'est ce que j'ai adoré. OK. Mais parce que, écoute, moi, j'étais vraiment sceptique envers Gravity. Puis je le demeure un peu, même si je sais que le film a reçu des très, très, très bonnes critiques. Puis ça a l'air d'être le cas aussi pour toi, là, qui en tout cas, qui fait une bonne critique à date. Parce que je me suis dit, aïe, tu sais, dans l'espace, je sais que le thème, c'est survivre dans l'espace. Puis s'il arrive une catastrophe, qu'est-ce qui va arriver finalement aux astronautes? Mais je me suis dit, aïe, il me semble que c'est lourd pis c'est long pour un film, mais bon. Mais ça non, c'est ça. Quand j'étais au cinéma, d'ailleurs, je l'ai vu en 3D. 3D qui est belle. Il y a des belles images. Le film est vraiment très, très joli. On est tellement... On est stressé. Écoute, j'étais sur le bout de mon siège. Je poignais les appuis-coudes, là. Puis écoute, je tenais ça serré. Parce que c'est tellement filmé, là. Il y a des plans de caméra, entre autres, où est-ce que on va voir la face de Sandra Bullock dans son scaphandre, dans son masque d'astronaute. Et la caméra va juste comme avancer, comme pénétrer dans le casque. Et après ça, on va comme un demi-tour, puis on va se placer à la place des yeux de Sandra Bullock pour voir, genre, ses gants, comme si on était en première personne dans un jeu vidéo, dans un jeu de tir. On est vraiment impliqué dans le film. On réussit par des prouesses techniques, par des visuels, à nous rendre ça comme si c'était nous autres qui étaient là. On force avec les astronautes, on cherche les solutions, on a, tu sais, la première personne nous implique énormément dans le film. On se sent, nous aussi, démunis, puis on se dit, ben voyons donc, comment est-ce qu'on va faire? C'est, tu sais, on se pose soi-même les questions, si nous, on était à la place, qu'est-ce qu'on ferait? Parce que, oui, il y a un gars d'expérience, mais on suit surtout Sandra Bullock, qui, elle, ben écoute, c'est sa première expérience, faut qu'elle se rattache à ses cours, à ses formations. Probablement que c'était assez express quand même, parce que c'est pas une astronaute de carrière. Puis on la suit comme une débutante, comme nous on serait dans l'espace. Parce que, écoute, j'ai pas de formation d'astronaute, puis 99% des gens qui vont voir le film non plus, et on réussit à nous impliquer émotivement dans le film, et ça, c'est sa grande force. Ça dépasse, je pense, cette notion-là, fait que le film, même si c'est pas un gros scénario, même si c'est pas une histoire mémorable en tant que telle, même si, écoute, il y a peut-être des trucs un peu invraisemblables, il y a des choses que tu dis, écoute, dans la réalité, ça se peut pas. Tout ça est surpassé par l'implication émotive que le spectateur va avoir en voyant le film. Dirais-tu que c'est la surprise de 2013? Pour moi... Ouais, vas-y. Pour moi, oui. Je m'attendais pas à ce film-là. J'avais lu comme toi, Daniel, j'avais entendu des critiques. Je m'étais fait dire que c'était bon, que c'était du stuff à Oscar pour Sandra Bullock. Et après l'avoir vu, j'ai pas vu tous les autres candidats pour les Oscars, pour les meilleures actrices, mais on y croit. J'ai arrêté de... comment je te dirais ça? J'aime quand un film, exemple, Luc, tu nous en parlais, Wolverine. Jackman n'est plus Hugh Jackman dans le cadre des films de Wolverine. Il devient Wolverine. T'arrêtes de penser que c'est Hugh Jackman, que c'est un acteur. Non, tu vois Wolverine. Il incarne parfaitement ça. T'as plus la distinction entre l'acteur et le personnage. Il ne fait qu'un avec le personnage. Ben, Sandra Bullock, là-dedans, j'y croyais. C'était Ryan Stone. Je l'appelais plus dans ma tête Sandra Bullock. Je l'appelais Ryan Stone, puis je vivais l'expérience avec elle. Tu sais, elle a justement, hier, elle a gagné, je regardais justement des affaires sur Gravity, puis elle a gagné le Hollywood Actress Award hier soir, j'imagine que ça se passe à Hollywood. Probablement. Pour son rôle dans le film Gravity. Il y a du stuff Oscar dans ce film-là, je pense, au niveau de l'acting. Peut-être pas au niveau du reste, tu sais, scénario, tout ça, là, je penserais pas, mais côté acting... parce que le film est vraiment porté par les deux acteurs principaux. Il n'y a rien, c'est du vide, c'est de l'espace, c'est vide. C'est l'expérience que les deux acteurs nous font vivre, qui meublent le film et qui tiennent ça sur leurs épaules et le font extrêmement bien. C'est drôle parce que ça me fait penser à un parallèle peut-être avec Castaway, avec Tom Hanks. Il n'y avait rien sur oui, l'île. Oui, c'est là. Vrai. C'est lui qui faisait le film. Ouais, c'est vrai, il y avait Wilson. Mais tu sais, comme mieux que... personnage secondaire qui est joué par un ballon. C'est cool, ouais, ouais, c'est... Il a gagné l'Oscar de l'acteur de soutien. Pour vrai? Non. Et non. Mais non, ça aurait pu. J'aurais aimé c'est ça. C'est un ballon. J'aurais mais, aimé ça. Mais. Hey, pied de nez à tous les acteurs, hein. Vous êtes fait clencher par un ballon, un gars. Un ballon. Ben, il y avait une belle face. Mm-hmm. T'es peinte en rouge, mais t'es belle. Mais non, tu sais. C'est justement, j'espère que pour les Oscars, parce que ce que je me rends compte aux Oscars, souvent, qu'est-ce qui arrive, surtout pour les rôles de meilleurs acteurs, c'est qu'il faut que le film soit bon d'un paquet de points de vue, notamment au niveau scénaristique, pour que les acteurs gagnent, tu sais. Ouais. J'espère que là, on va tenir compte uniquement de la performance de l'acteur, tu sais. Je pense qu'un acteur comme Johnny Depp, tu sais, là, je sais qu'on dévie de Gravity, mais sans faire de jeu de mots ici, mais tu sais, je pense qu'un acteur comme Johnny Depp a souvent été ignoré alors qu'il rend bien ses personnages à l'écran. Parce que le film était moyen, c'est comme si ça rabaissait la qualité d'acting. Mais non, exactement. T'sais. J'espère que pour Gravity, on fera pas cette erreur-là. En tout cas, t'sais, moi, je l'ai pas vu, mais tu dis que d'un point de vue scénaristique, ça gagnera pas vraiment pas d'un score. Le scénario tient sur deux pages. T'sais, c'est pas là-dessus que tu te bases pour dire c'est un grand film. C'est pas l'incroyable histoire de Benjamin Button. T'sais, que tu vis sa vie, puis t'sais, ça va tomber sur des époques. C'est pas Slumdog Millionaire. C'est pas ça. Là. C'est pas un Oscar au niveau du scénario. Là, c'est impossible, c'est vide, il y a rien dans ce scénario-là, ça tient sur deux pages. Et le gars, quand il tu sais, je vois là, exemple, je m'en vais dans la caricature, je me semble que le Quiron, je le mets dans la peau de Homer Simpson quand il arrive en avant des producteurs de cinéma, puis tu sais, il y a son calepin, puis la moitié des pages, c'est le dessin de la machine à voyager dans le temps, tu sais. Le scénario, c'est rien, c'est des dessins, tu sais. Probablement que ça ressemblait à ça. Tu sais, il arrive en avant des producteurs puis des maisons d'Hollywood puis il dit bon ben l'histoire c'est ça. Tu sais, là il résume ça en deux phrases. Tu sais, c'est pas le scénario qui a vendu l'idée, c'est sûr là. Ouais, mais c'est l'idée. Ouais, c'est ça. Tu sais, ben écoute, ça donne envie. Si j'y allais pour une note, j'irais avec un 9 sur 10. Et même si la salle de cinéma où est-ce que j'ai été, je trouve ça un peu dommage. Toutes les rangées de bancs sont décalées, sont pas dans le même angle que l'écran. Donc pour la 3D, c'est pas fameux. Si vous avez l'occasion de le voir sans 3D, comme toujours, on a pas mal toujours ce commentaire-là dans la réalité augmentée, payez pas le surplus pour la 3D. Les images sont écœurantes. La 3D probablement va vous rendre ça plus sombre un peu et ça vous donnera pas le plus. Tu sais, il y a les pluie de débris là, qu'on va voir. Il y a certaines occasions où est-ce que, comme la 3D cheap de dans le temps, t'as comme le débris qui te fonce dans la face, tu fais un petit saut. Mais à part ça, la 3D te donnera pas grand-chose. Mais côté image, côté visuel, comme, côté technique aussi, tu sais, de croire que l'acteur est bel et bien dans l'espace, c'est pas facile, tu sais, de filmer ça sur Terre. C'est pas facile de bien le rendre. Et y est arrivé. Il y a des prouesses techniques de ce côté-là, effets spéciaux qui sont magistrales pour que, écoute, l'acteur joue à 360 degrés, puis nord, sud, est, ouest, c'est la tête en bas, c'est capoté de la façon qu'ils ont réussi à faire ça, pour pas qu'on voit aucun truc, qu'on voit aucun filage, qu'on voit... écoute, ça aurait pu être filmé dans l'espace que j'y aurais cru, puis ça aurait peut-être pas été plus réaliste que ça dans la physique de l'acting des personnages. Fait que de ce côté-là, c'est vraiment bien rendu aussi. J'irais avec un solide 9 sur 10, si je donne une note, là, un beau 9 sur 10. Puis, encore une fois, ben, le conseil, allez-y dans une salle de cinéma standard ou attendez de l'avoir chez vous. Blu-ray, top qualité visuelle, cinéma maison avec les sons, tout ça. Vous allez le vivre dans le noir. Là, vous allez capoter. Vous allez vivre une épopée dans l'espace pendant 1h30. Vous allez revenir sur Terre puis vous allez faire comme « Ouh, OK, je viens de vivre de quoi, là? » On a-tu fait, ben pas l'erreur, mais on a-tu fait ça pour rendre ça intéressant aux gens, puis il y a du bruit dans l'espace ou il n'y a pas de bruit dans l'espace? Il y a du bruit dans l'espace dans le sens que, et ça c'est la notion importante, on a les bruits de l'enregistrement de l'intérieur des scaphandres. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, c'est que il y a de l'air dans les scaphandres, donc si le personnage touche une drill ou quelque chose comme ça, son gant va vibrer, donc l'air dans sa main, dans son va vibrer, c'est ça qu'on va entendre. On n'entendra pas genre une explosion, tu sais. Okay. Donc il y a du bruit, presque 80 à 90% des choses qui sont dites, c'est via une radio, parce que c'est comme ça que tu communiques dans l'espace. Donc, il y a toujours cet effet là, de grisaillement, de synthétique un peu, de radio, onde courte, là, AM, là, un peu embrouillé. Il y a toujours cet effet-là qui rappelle que c'est une communication entre toi et quelqu'un bien, bien loin, tu sais. Puis là, je dis entre toi, mais c'est entre les personnages et... tu sais, comme je vous disais, l'implication, ouais, je disais entre moi, tu sais. Bon, puis je n'étais pas là. Mais c'est ça. Donc, oui, il y a du son, mais un son qui est expliqué, là. OK. Non, c'est intéressant. Et qui est réaliste dans l'espace aussi. Écoute, même avec ta critique, j'ai de la misère à croire. Tu loueras. C'est bon. Non, ben écoute, ça se peut que j'aille voir au cinéma. Je sais que ma blonde, en tout cas, elle veut le voir. Ben écoute, donc, c'est... J'y étais avec ma blonde aussi. C'est elle qui voulait le voir. Moi, je me disais, ah, écoute, on va le louer, tu sais, éventuellement. Puis j'ai été content de payer pour aller le voir au cinéma. Pour avoir le package deal, la grandeur d'écran, le son, salle obscure. Puis tu sais, c'est niaiseux, mais tu sais, juste d'être dans une salle de cinéma et n'avoir que ça à faire, regarder un film et de le vivre, c'est gros dans l'expérience. T'es pas en train de, ah, écoute, j'ai oublié de plier du linge, ah, tu sais, tu t'arrêtes, t'as pas le choix, t'es dans une salle de cinéma, et ça, je pense que c'est un plus pour l'expérience. Ouais, pis ça te fait oublier que t'as payé 30$ pour deux personnes puis des popcorns puis tout. Ouais, voilà. Quand le film réussit à faire ça, c'est pas prêt. Ouais, j'avoue. Ben, j'ai peut-être trouvé ma sortie du samedi soir. Merci, JB, de prendre soin de mon couple. Ah, ben écoute, je suis de même, hein. Docteur Fonamour, comme son nom. J'allais plus dire Docteur Doolittle, mais bon. C'est vrai que je traite beaucoup avec des chiens. Hein, les boys? On fait des mots d'esprit ici. Ben voilà, ça, c'est ce qui va faire le tour pour la réalité augmentée. Je vous rappelle le concours Skylanders Swap Force. Vous participez, il vous reste une semaine jusqu'à l'épisode 42 où on fera le tirage. Podcast réalité augmentée @gmail.com. Pour participer, ben, faut nous dire le nom de la figurine. J'ai nommé plus tôt et je vais vous remettre l'indice là, avec l'image sur les articles sur la zone technoculturelle.ca ainsi que affairesdegars.com. On est fin de même. On rend ça facile parce qu'on vous aime. Ouais, si vous avez un petit 5$, allez encourager Jean-François Chabot puis les Bionic Marmots. Oui, ça c'est pour l'événement, c'est pour le Extra Life. Extra Life pour Enfant Soleil. Opération Enfant Soleil, faut le dire au complet. Les gars, où est-ce qu'on vous trouve sur le web? Vas-y, Luc. Ben moi, c'est sur Twitter, @scalazormo. Puis, c'est à peu près ça là, pour l'instant. Sinon, il y a le site cguap.com où vous pouvez trouver mon autre podcast qui s'appelle Histoire de Gamer. Puis, ça s'achève, il en reste un. Puis, il y a le podcast auto aussi, podcastauto.ca. On a terminé ça cette semaine. YouTube a l'air, pas YouTube, mais iTunes a de la misère à vouloir digérer le dernier épisode. Je pense qu'ils sont pas contents. Mais un jour, ça va apparaître. On les comprend, j'ai de la peine aussi. Ouais, mais si tu veux. Daniel, de ton côté? Ouais, sur Twitter, DracoADG. Sinon, vous pouvez aussi me retrouver sur Affaires de gars. Beaucoup de critiques de jeux qui s'en viennent. Je vous livre pas beaucoup de punch, mais il va y avoir entre autres Pokémon XY, Assassin's Creed 4, dont Jean-Benoît aussi va m'aider pour la critique. Et il va aussi avoir éventuellement la critique de Skylanders Swap Force. Peut-être Batman, là, ça reste à voir. Ah, je l'ai précommandé aujourd'hui. Je ne serais pas trop fort. Je suis pas supposé. Ben, écoute, j'ai vu les premiers avis. Ça a l'air que c'est bon, mais moins que les autres. Ah, OK. Moi, ce qui m'a fait flancher, c'est la possibilité de camper un autre personnage, un peu comme on avait fait dans le 2, là, dans Arkham City. Puis là, on pouvait camper un personnage de plus, un bout d'histoire de plus. Je fais, OK, c'est bon, là, vous m'avez eu. Bon. Ben, écoute, moi, je vais aller l'essayer très, très prochainement. Donc, je vous en reparlerai, ou Luc, ou toi, whatever. En tout cas, on va en parler, c'est une chose. Quelqu'un va en parler, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. On va faire notre travail de testeur. On va essayer de le faire comme du monde, tant qu'être là. Et moi, personnellement, ben vous pouvez me rejoindre. Mon compte sur Twitter, @gangj_b. Je gère aussi les comptes officiels de la réalité augmentée. facebook.com/realitéhog ou encore ben, Twitter, twitter.com/realitéhog. Il y a plus de monde qui nous suivent sur Twitter que sur Facebook. C'est signe que cette plateforme de Mark Zuckerberg est en chute, est en dérive, est en train de mourir à petit feu. On est comme des précurseurs. Vous l'avez compris, vous. Vous, oui, les auditeurs de la réalité augmentée. Ouais, vous êtes des précurseurs. T'as-tu plus de monde sur Google Plus? Non. D'ailleurs, on n'a pas de compte là-dessus, fait que. Ah, on s'est dit que ça valait pas l'investissement de temps. Et c'est une très bonne décision. Eh ouais, on est de même. On est logique aussi. On est précurseurs, mais aussi lucides. Ce que Google ne semble pas être avec cette fameuse plateforme. On est lucides des fois. Des fois. Un gros merci d'avoir été là, les boys. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été à nouveau de l'aventure. On se dit à la prochaine pour un autre épisode de La Réalité Augmentée. Salut tout le monde. Bye.